côté, sur le côté. J'ai toujours fait le twist. Le twist? Ouais, ouais, ouais, ouais. Vous devez vous tromper de tempo. Le twist est nouveau. Demandez voir mes petits agneaux, je vous en prie. À la môme Louise ou à Mimi. Est-il bien sûr de ce qu'il dit? Non mais dis que je débloque pendant que t'y es toi. Avec mon canotier. Sur le côté, sur le côté. J'ai fait danser le twist. Le twist? Au monde entier. Avec son canotier. Sur le côté, sur le côté. J'adore danser le twist. Le twist? Ouais, ouais, ouais, ouais. Le twist, le petit top-up, le Charleston. Que j'ai dansé avec Louison. Un peu de choses près, c'est la même pas. Pourvu, ça chauffe, on n'a demande que ça. Avec mon canotier. Sur le côté, sur le côté. Y'a 60 ans que je twist. Le twist? Ouais, ouais, ouais, ouais. Avec son canotier. Avec mon canotier. Avec son canotier. Song. Bad is bad. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Nostalgie. Il est 9h. Welcome love we once knew. my pride. You'll never be denied. Everlasting love. I'm the very star. Open up your heart. Feel that you fall. Everlasting love. Nostalgie 60. laisser long le chemin. Seem right. I saw him at yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge, and she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. They married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. Into the muddy water off the Tallahatchie Bridge. While I quit my job down at the car wash, I left my mama a goodbye note. By sundown I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. For the next 3 weeks I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck, so I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded Ford truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars, hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night tears. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed 1,000 miles of crack till I found myself in Mobile, Alabama. Had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging in a guitar man. Show them, son. Ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile, make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor, digging to find this little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. I guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Yeah, yeah. Nostalgie 60. Nostalgie. Je perds tout.

soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement. Juste en dessous. Et est-ce le Nouveau-Mexique vers le Cap Horn, vers le Cap Vert. Et est-ce sur un archipel sous le soleil exactement. Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil exactement. Juste en dessous. Nous serons réunis.

Variété et liberté. Dans la gorge d'Annie, elle est au pas. Radio de vos années préférées. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may say is in the pill you took today. In the year 45, 45.

comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer. Diras-tu blanche, le matin gris bleu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi ce Rex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Nostalgie 60, la décennie de vos plus beaux moments. Nostalgie. The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh, I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. How much I love you. The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, and my heart won't try. Anytime it pleases you, and you only start to worry when I say it. facile. Je n'aime que toi, te le dirai vraiment le difficile. Je n'aime que toi, les chansons ne disent que ça. Je n'aime que toi, un poète l'écrirait bien mieux que moi. Je n'aime que toi, devant toi, je deviens fragile. Je n'aime que toi, tu es ma belle témoin, talon d'Achille. Je n'aime que toi, au-delà de toute passion. Je n'aime que toi, ton nom. Je t'ai écrit tous ces mots doux, signant ainsi le roi des fous car moi. Je n'aime que toi, je n'aime que toi, le chanter. Je n'aime que toi, te le dirai vraiment le difficile. Nostalgie 60. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Thank you.

Écoutez Nostalgie à tout moment sur sa tablette ou son smartphone, c'est simple. Branchez-vous sur notre site nostalgie.be ou téléchargez l'application mobile Nostalgie Belgique. Une furieuse envie de chanter. Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie 60. 24h sur 24. Nostalgie. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and the night. il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimandjaro. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Nostalgie. Thank you. J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes, je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes, il y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Got this strange effect on me. Nostalgie 60. Nostalgie. La radio de vos années préférées. Nostalgie. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, and Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Talking to me, you come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Puisque tu me tiens pour toujours au creux de ta main, comme un tout petit pantin. Je suis la sourde des chevaux de bois qui tournent dans la lumière. Parfois je suis sur l'Himalaya, parfois plus bas que terre. Puisque tu me tiens pour toujours auprès de ta main, comme un tout petit pantin. Tu m'emmènes sur les autoscooters et sur le toboggan, mais c'est toujours toi le grand vainqueur. Puisque tu me tiens pour toujours auprès de ta main, comme un tout petit pantin. Quand as-tu te décidé à parler d'amour? Puisque tu me tiens pour toujours auprès de ta main, comme un tout petit pantin. Un tout petit pan. There's a light, a certain kind of light that never shines. Smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Oh, I know that the music's yes, fine like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, yes, but while we're apart, don't give your heart to anyone. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance. Go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he take you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me. Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venus de Californie, de Flandre ou bien de Paris, quand je vois filer les bolides, des cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, je pense à la cavalerie. Moi, s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante, et que sombre le pays, dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques, aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis. Je prendrai la route, verraille coûte que coûte. Je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. You passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, where my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. Your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. While horses couldn't make me stay away, I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say, hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello,